Chapitre 8e. Comment fait boire un gentleman? Mademoiselle Carlyle et Lady Isabel Vane étaient donc arrêtées au détour de la route en plein vent. Isabelle, confuse et embarrassée, ramassait les débris de ses lunettes. Cornélie, non moins embarrassée, regardait avec surprise cette figure que sa mémoire lui rappelait comme celle d'une vieille connaissance. Tout à coup, son attention fut détournée par la présence de Sir Francis Levison. Il se trouvait tout près d'elle, ayant avec lui M. Drake et un autre camarade, sans compter la clique qui formait sa suite. C'était la première fois que lui et Mademoiselle Carlyle se fussent vus face à face. Elle fixa sur lui des regards de mépris, fidèles interprètes de sa hauteur et de son acrimonie. Sir Francis, arrivé en face d'elle, lui fit un salut. Était-ce politesse, était-ce un acte purement mécanique ou une ironie, il est difficile de le dire. Mademoiselle Carlyle le prit dans ce dernier sens. Ses lèvres pâlirent de colère, mais elles étaient peut-être moins pâles que l'infortuné qui s'était blotti derrière elle. « Est-ce à moi que s'adresse cette insulte, Francis Levison ?»« Comme il vous plaira, » répondit-il, appelant l'insolence à son aide. « Quoi ? Vous osez m'ôter votre chapeau ? Avez-vous donc oublié qui je suis ? Il serait difficile de vous oublier une fois qu'on vous a vu. » Cette réponse était ironique. Le ton et l'attitude étaient empreints d'une insolente moquerie. Les deux messieurs, spectateurs embarrassés, se demandaient ce que cela signifiait. Lady Isabelle se cacha le visage le mieux qu'elle put. Elle avait une peur mortelle d'être vue de lui. Cependant, plusieurs passants, et surtout quelques ouvriers de la ferme de M. Rinner, s'étaient arrêtés et prêtaient une oreille attentive et curieuse. « Méprisable ver de terre ! S'écria Cornélie, est-ce que vous croyez pouvoir m'outrager impunément ? Malédiction sur vous et sur votre insolence !» En parlant ainsi, elle ne pensait nullement à un châtiment actuel et immédiat à l'adresse du gentleman. Mais la foule qui les environnait avait d'autres idées. Les ouvriers aux vastes épaules commencèrent le branle. Était-il excité par les paroles échappées à Mademoiselle Carlyle, qui, malgré l'âpreté de son caractère, n'en était pas moins respectée de tout le voisinage? Ou bien le fermier Rinner avait-il fait allusion, en leur présence, au projet de bain forcé imaginé à Eastline? Enfin, n'obéissait-il qu'à leur propre inspiration? C'est ce que seul pouvait dire. Le fait est qu'une voix s'écria « Allô !» et mille voix le répétèrent. « Allô ! Allô ! La marée là tout près ! Traitons-le comme il le mérite, qu'avons-nous besoin de cette canaille ? Westline peut bien se passer de lui, c'est un coquin ! Attention, les amis !» Ses joues pâlirent, ses genoux s'entrechoquaient, un scélérat toujours un lâche. Lady Isabelle tremblait de son côté. Il y avait bien lieu de trembler en entendant de telles paroles. L'attaque commence, on voyait manœuvrer 20 paires de mains au moins, des mains fortes, rudes, déterminées, sans parler de la clique d'auxiliaires qui prodiguait coups de poing, coups de pied, pochades, insultes et applaudissements. On eût dit un balai infernal. On le traîna à travers une ouverture dans la haie, trop étroite pour y laisser passer un enfant. Mais la fureur fait aussi des miracles. On est au bord de la mare. Voyez comme elle est verdâtre, noire, fangeuse, bourbeuse, infecte. Déjà avaient disparu les pans de son habit, et mille déchirures, mille ouvertures se voyaient, on devina quelle partie de son costume. L'un le tirait, l'autre le poussait, un troisième le tenait à la gorge, une demi-douzaine le bousculait, et tous l'accablaient d'insultes. « Allons ensemble, mes enfants, allons !»« Grâce, grâce !» criait la victime, dont les genoux ployaient, dont les dents claquaient. « Grâce, pour l'amour de Dieu !»« L'amour de Dieu, quelle impudence !» Le voilà lancé, lâché. Enfoncé, il jette un cri, boit un coup, et tout Sir Francis qu'il est patauge au milieu de l'auberte, des lézards, des grenouilles, des crapauds qu'il avale à longs traits. Un rire rauque et moqueur, suivi des cris d'une joie sauvage, part du sein de la foule. Pendant ce temps, la troupe de gamins, transportée de joie, entoure la mare et se livre au délire d'une ronde infernale. On le retira de cette espèce de pure et puante avant qu'il fût mort. Jamais ranoyé n'eut un air aussi piteux. Il tremblait, grelottait, pâle, défiguré, à peine couvert de quelques haillons et secouant comme un caniche l'eau dont il était pénétré. Les ouvriers, leur tâche finie, se dispersèrent tranquillement. Les gamins se retirèrent à quelques pas pour guetter la suite de l'affaire et Cornélie s'en alla aussi. Le misérable, qui frissonnait au bord de cette mare, était moins bouleversé encore que Lady Isabelle qui, d'un pas chancelant, suivait Cornélie. Il faisait là une triste figure, celui qu'elle avait choisi pour son chevalier. Cornélie ne dit pas un mot. Elle continue à marcher la tête levée. Parfois, cependant, elle lança un coup d'œil oblique sur Madame Vine, que ses regards faisaient cruellement rougir. « C'est singulier, » pensait Cornélie. « Quelle étrange ressemblance, surtout dans les yeux. Où allez-vous, madame ?» Elle passait alors devant la boutique d'un lunetier. Madame Vine s'arrêta et tournait le bouton pour entrer. Il faut que je laisse là mes lunettes pour qu'on les répare. » Mademoiselle Carlyle entra avec elle. Après avoir indiqué le genre de réparation qu'elle désirait, elle demanda des lunettes neuves. Le marchand n'en avait pas de bleu. Il avait pourtant une vieille paire de vilaines lunettes vertes avec monture d'écaille. Ce fut la paire que choisit Lady Isabelle. Elle les mit à l'instant dans la boutique même. Pendant ce temps-là, Cornélie cherchait à déchiffrer son visage. « Pourquoi donc portez-vous des lunettes ?» demanda brusquement Cornélie. Le rouge monta encore une fois au visage de l'infortunée, et avec une imperceptible hésitation, elle répondit « J'ai la vue faible. » « On ne le croirait pas, à voir vos yeux. Mais pourquoi vous servez-vous de verres de couleur ? Les verres blancs feraient parfaitement votre affaire, il me semble. J'ai l'habitude des verres de couleur. Je n'aime pas les autres. Quel est votre nom de baptême, madame ?»« Jeanne, » répondit la prétendue française avec un rare aplomb. La conversation en resta là. Le soir de ce même jour, Cornélie dînait à Eastline. Aussitôt le repas terminé, elle se rendit auprès de Joyce et la prenant à part. « Joyce, l'institutrice ne vous rappelle point quelqu'un ?»« Comment, madame ? L'institutrice, madame Vine ?» fit Joyce d'un air étonné. « Quand je parle de l'institutrice, ce n'est ni vous, ni moi, il me semble. Vous savez bien que c'est madame Vine. » « Quelquefois, elle me rappelle ma dernière maîtresse par la figure et les manières, » répondit Joyce en baissant la voix. « Mais je ne l'ai jamais dit, madame, car vous savez bien que l'on ne doit jamais prononcer ici le nom de Lady Isabelle. »« L'avez-vous vue sans lunettes ?»« Non, jamais, » dit Joyce. « Eh bien, moi, je l'ai vue aujourd'hui sans ses lunettes, et je vous déclare que j'ai été frappé de la ressemblance. C'est à n'y pas croire. On dirait que c'est le fantôme de Lady Isabelle Vane revenu sur la terre. »« Oh, madame, il ne faut pas plaisanter de ces choses-là, c'est trop sérieux. » « Que dites-vous, plaisanter ? Quand m'avez-vous vu plaisanter ?»« Dans tous les cas, » ajouta-t-elle, en quittant la chambre, « que cette confidence reste entre nous. » De retour au salon, Mademoiselle Carlyle alla s'asseoir auprès de Lord Mount Severn. Le jeune Vane, Lucie et Madame Carlyle jouaient ensemble, et la chambre retentissait d'éclats de rire et d'exclamations. Profitant de ces circonstances favorables, Cornélie, s'adressant au comte, lui dit « Est-il bien avéré que Lady Isabelle soit morte ?» Le comte ouvrit de grands yeux. « Quelle question me faites-vous là, Mademoiselle Carlyle ? Morte ? Mais assurément, elle est bien morte. Vous êtes-vous positivement assurée, sans l'ombre d'un doute, qu'elle fut bien morte ? En pouvez-vous douter ? Elle mourut pendant le cours de la nuit même de l'accident et laissa la carrière ouverte aux calomniateurs. » Ici, il y eut une pause. Cornélie réfléchissait. Puis elle revint la charge, comme une personne qui n'est pas encore persuadée. « Et vous croyez qu'il n'y a pas eu d'erreur possible ? Vous êtes sûre qu'elle est morte ? Je suis aussi sûr qu'elle est morte que je suis sûr que nous vivons, » répondit le comte d'un ton décidé. « Mais pourquoi toutes ces questions ? Il m'est venu à l'esprit aujourd'hui pour la première fois de douter de sa mort. Si dans le temps il y a eu quelque erreur, quelque faux mourut de sa mort, je m'en serais bientôt aperçu. Vivante, elle eût continué à toucher l'annuité que j'avais placée sur sa tête. Eh bien, on n'est plus venu la réclamer. Puis elle m'aurait crié. C'était convenu entre nous deux. Oh non, la pauvre créature est bien morte et enterrée, et c'est faute avec elle. » Il n'y avait rien à opposer à ces preuves-là. Aussi, Mademoiselle Carlyle sembla convaincue.